Rhapsodie 13. Et dès que Zeus eut poussé Hector et les Troyens jusqu'aux nefs, les y laissant soutenir seuls le rude combat, il tourna les yeux splendides sur la terre des cavaliers tréquiens, des Mysiens qui combattent de près, et des illustres hippomolgues qui se nourrissent de lait, pauvres mais les plus justes des hommes. Et Zeus ne jetait plus ses yeux splendides sur Troie, ne pensant point dans son esprit qu'aucun des immortels osa secourir ou les Troyens ou les Danaïens. Mais celui qui ébranle la terre ne veillait pas en vain. Il regardait la guerre et le combat, assis sur le plus haut sommet de la Samothrakée feuillue, d'où apparaissaient tout l'Ida et la ville de Priamos et les nefs des Achaïens. Et là, assis hors de la mer, il prenait pitié des Achaïens domptés par les Troyens et s'irritait profondément contre Zeus. Et aussitôt, il descendit du sommet escarpé, et les hautes montagnes et les forêts tremblaient sous les pieds immortels de Poséidon qui marchait. Et il fit trois pas, et au quatrième, il atteignit le terme de sa course, à Aigas, où, dans les gouffres de la mer, étaient ses illustres demeures d'or, éclatantes et incorruptibles. Et là, il attacha au char ses chevaux rapides, dont les pieds étaient d'airain, et les crinières d'or. Il se revêtit d'or lui-même, saisit le fouet d'or, habilement travaillé, et monta sur son char. Il allait sur les eaux, et de toutes parts les cétacés, émergeant de l'abîme, bondissaient joyeux et reconnaissaient leur roi. Et la mer s'ouvrait avec allégresse, et les chevaux volaient rapidement, sans que l'écume mouillât les cieux des reins, et les chevaux agiles le portèrent jusqu'aux nefs. Il y avait un antre, large dans les gouffres de la mer profonde, entre Ténédos et l'âpre Imbros. Là, Poséidon, qui ébranle la terre, arrêta ses chevaux, les délia du char, leur offrit la nourriture divine et leur mit aux pieds des entraves d'or, solides et indissolubles, afin qu'ils attendissent en paix le retour de leur roi. Et il s'avança vers l'armée des Achaïens. Et les Troyens amoncelés, semblables à la flamme, tels qu'une tempête, plein de frémissements et de clameurs, se précipitaient furieux derrière le Priamide Hector. Ils espéraient se saisir des nefs des Achaïens et y tuer tous les Achaïens. Mais Poséidon, qui entoure la terre et qui la secoue, sortit de la mer profonde, excitait les Argiens, ayant revêtu le corps de Calchas, et prit sa voix infatigable. Il parla ainsi aux deux Aias, pleins d'ardeur eux-mêmes. « Ainsi, vous sauverez les hommes d'Achaïe si vous vous souvenez de votre courage, et non de la fuite désastreuse. Ailleurs, je ne crains pas les efforts des Troyens qui ont franchi notre grande muraille, car les braves Achaïens soutiendront l'attaque. Mais c'est ici, je pense, que nous aurons à subir de plus grands maux devant Hector, plein de rage, semblable à la flamme, et qui se vante d'être le fils du très-puissant Zeus. Puisse un des dieux vous inspirer de lui résister courageusement. Et vous, exhortez vos compagnons, afin de rejeter le Priamide, malgré son audace, loin des nefs rapides, même quand l'Olympien l'exciterait. » Celui qui entoure la terre et qui l'ébranle parla ainsi, et, les frappant de son sceptre, il les remplit de force et de courage, et rendit légers leurs pieds et leurs mains. Et lui-même s'éloigna aussitôt, comme le rapide épervier qui, s'élançant à tire-d'aile du faîte d'un rocher escarpé, poursuit dans la plaine un oiseau d'une autre race. Ainsi Poséidon, qui ébranle la terre, s'éloigna d'eux. Et aussitôt le premier des deux, le rapide alias Oïléiade, dit au Télamoniade, « Aias, sans doute un des dieux olympiens, ayant pris la forme du divinateur, vient de nous ordonner de combattre auprès des nefs. Car ce n'est point là le divinateur Calchas. J'ai facilement reconnu les pieds de celui qui s'éloigne. Les dieux sont aisés à reconnaître. Je sens mon cœur dans ma poitrine plein d'ardeur pour la guerre et le combat, et mes mains et mes pieds sont plus légers. » Et le Télamonien Aias lui répondit, « Et moi aussi, je sens mes mains rudes frémir autour de ma lance, et ma force me secouer, et mes pieds m'emporter en avant, et voici que je suis prêt à lutter seul contre le Priamide Hector, qui ne se lasse jamais de combattre. » Et tandis qu'ils se parlaient ainsi, joyeux de l'ardeur guerrière que le dieu avait mise dans leur cœur, celui-ci, loin d'eux, encourageait les Achaïens qui reposaient leur âme auprès des nefs rapides, car leurs membres étaient rompus de fatigue. Une amère douleur les saisissait à la vue des Troyens qui avaient franchi la grande muraille. Et des larmes coulaient de leurs paupières, et n'espérait plus fuir leur ruine. Mais celui qui ébranle la terre ranima facilement leurs braves phalanges. Il exhorta Teucros, Leitos, Pénéléos, Thoas, Dépiros, Mériones et Antilochos, habiles au combat. Il leur dit en paroles zélées, « Ô honte, jeunes guerriers argiens, je me fiais en votre courage pour sauver nos nefs. Mais si vous suspendez le combat, voici que le jour est venu d'être dompté par les Troyens. Oh, douleur, je vois de mes yeux ce grand prodige terrible que je ne pensais point voir jamais. Les Troyens sur nos nefs, eux qui auparavant étaient semblables aux cerfs fuyards, pâtures des lynx, des léopards et des loups, errant par les forêts sans force et inhabiles au combat. Car les Troyens n'osaient auparavant braver en face la vigueur des Achaïens. Et maintenant, loin de la ville, ils combattent auprès des nefs creuses, grâce à la lâcheté du chef et à la négligence des hommes qui refusent de défendre les nefs rapides et s'y laissent tuer. Mais s'il est vrai que l'Atréide Agamemnon, qui règne au loin, soit coupable d'avoir outragé le Péléon au pied rapide, nous est-il permis pour cela d'abandonner le combat ? Réparons ce mal. Les esprits justes se guérissent aisément de l'erreur. Vous ne pouvez sans honte oublier votre courage, étant parmi les plus braves. Je ne m'inquiéterai point d'un lâche qui fuirait le combat, mais contre vous, je m'indigne dans mon cœur. Ô plein de mollesse, bientôt vous aurez causé par votre inaction un mal irréparable. Que la honte et mes reproches entrent dans vos âmes. Car voici qu'un grand combat s'engage et que le brave Hector, ayant rompu nos portes et nos barrières, combat auprès des nefs. Et parlant ainsi, celui qui ébranle la terre excitait les Achaïens. Et autour des deux Aias se pressaient de solides phalanges, Corello et Arès et Athénaïe, qui excitent les guerriers. Et les plus braves attendaient les Troyens, et le divin Hector, lance contre lance, bouclier contre bouclier, casque contre casque, homme contre homme. Et les crinières sur les cônes splendides se mêlaient, tant les rangs étaient épais. Et les lances s'agitaient entre les mains audacieuses, et tous marchaient, pleins du désir de combattre. Mais sur eux se ruait une foule de Troyens, derrière Hector qui s'élançait. De même qu'une roche désastreuse qu'un torrent, gonflé par une immense pluie, roule, déraciné, de la cime d'un mont, et qui se précipite à travers tous les obstacles, jusqu'à ce qu'elle arrive à la plaine où, bien qu'arrêtée dans sa course, elle remue encore, de même, Hector menaçait d'arriver jusqu'à la mer, aux tentes et aux nefs des Achaïens. Mais il se heurta contre les masses épaisses d'hommes, contraint de s'arrêter. Et les fils des Achaïens le repoussèrent en le frappant de leurs épées et de leurs lances aiguës. Alors, reculant, il s'écria d'une voix haute aux Troyens, « Troyens, Lycains et Dardaniens belliqueux, restez fermes. Les Achaïens ne me résisteront pas longtemps, bien qu'ils se dressent maintenant comme une tour. Mais ils vont fuir devant ma lance, si le plus grand des dieux, l'époux tonnant de Héré, m'encourage. » Il parla ainsi, excitant la force et la vaillance de chacun. Et le Priamide, Déiphobos, plein de fierté, marchait d'un pied léger au milieu d'eux, couvert de son bouclier d'une rondeur égale. Et Mériones lança contre lui sa pique étincelante, qui, ne s'égarant point, frappa le bouclier d'une rondeur égale et fait de peau de taureau. Mais la longue lance y pénétra à peine et se brisa à son extrémité, et Déiphobos éloigna de sa poitrine le bouclier de peau de taureau, craignant la lance du brave Mériones. Mais ce héros rentra dans la foule de ses compagnons, indigné d'avoir manqué la victoire, et rompit sa lance. Il courut vers les nefs des Achaïens, afin d'y chercher une longue pique qu'il avait laissée dans sa tente. Mais d'autres combattaient, et une immense clameur s'élevait de tous côtés. Et Teucros Télamonien tua le premier le brave guerrier Ambrios, fils de Mentor, et riche en chevaux. Et avant l'arrivée des fils des Achaïens, il habitait Pédaios avec Médisa Castée, fille illégitime de Priamos. Mais, après l'arrivée des nefs aux doubles avirons des Danaïens, il vint à Ilios et s'illustra parmi les Troyens. Et le fils de Télamon, de sa longue lance, le perça sous l'oreille. et il tomba comme un frêne qui, tranché par les reins sur le sommet d'un mont élevé, couvre la terre de son feuillage délicat. Il tomba ainsi, et ses belles armes d'airain sonnèrent autour de lui. Et Teucros accourut pour le dépouiller. Mais Hector, comme il s'élançait, lança contre lui sa pique éclatante. Et le Télamonien la vit, et l'évita. Et la lance du Priamide frappa dans la poitrine Amphimachos, fils de Créatos Actorionide, qui s'avançait. Et sa chute retentit, et ses armes sonnèrent sur lui. Et Hector s'élança pour dépouiller du casque bien adapté aux tempes le magnanime Amphimachos. Mais Aias se rua sur lui, armé d'une pique étincelante. Et comme Hector était entièrement enveloppé de l'airain effrayant, Aias frappa seulement le bouclier bombé et le repoussa violemment loin des deux cadavres que les Achaïens entraînèrent. Estichios et le divin Ménestheus, prince des Athénaïens, portèrent Amphimachos dans les tentes des Achaïens, et les Aias, avides du combat impétueux, se saisirent d'Ambrios. De même que deux lions, arrachant une chèvre aux dents aiguës des chiens, l'emportent à travers les taillis épais en la tenant loin de terre dans leurs mâchoires, de même les deux Aias enlevèrent Ambrios et le dépouillèrent de ses armes. Et Aias Oliéade, furieux de la mort d'Amphimachos, coupa la tête du Troyen, et la jetant comme une boule au travers de la multitude, l'envoya rouler dans la poussière sous les pieds de Hector. Et alors, Posidaon, irrité de la mort de son petit-fils tué dans le combat, courut aux tentes des Achaïens, afin d'exciter les Danaïens et de préparer des calamités aux Troyens. Et Odyménéus, illustre par sa lance, le rencontra. Et celui-ci quittait un de ses compagnons qui, dans le combat, avait été frappé au jarret par l'airain aigu et emporté par les siens. Et Odyménéus, l'ayant confié au médecin, sortait de sa tente, plein du désir de retourner au combat. Et le roi qui ébranle la terre lui parla ainsi, ayant pris la figure et la voix de l'Andrémonide, Thoas, qui, dans tout Pleuron et la haute Calydon, commandait aux Aïtoliens, et que ceux-ci honoraient comme un dieu. Idoménéus, prince des Crétois, où sont tes menaces et celles des Achaïens aux Troyens? Et le prince des Crétois, Idoménéus, lui répondit, ô Thoas, aucun guerrier n'est en faute, autant que j'en puisse juger, car nous combattons tous. Aucun n'est retenu par la pâle crainte, aucun par indolence ne refuse le combat dangereux. Mais cela plaît sans doute au très-puissant Zeus que les Achaïens périssent ici, sans gloire et loin d'Argos. Thoas, toi qui, toujours plein d'ardeur guerrière, as coutume d'encourager les faibles, ne cesse pas dans ce moment et ranime la vaillance de chaque guerrier. Et Posidaon, qui ébranle la terre, lui répondit, « Idoménéus, ne puisse-t-il jamais revenir de la terre troyenne, puisse-t-il être la proie des chiens, le guerrier qui, en ce jour, cessera volontairement de combattre. Va et reviens avec tes armes. Il faut nous concerter. Peut-être serons-nous tous deux de quelque utilité. L'union des guerriers est utile, même celle des plus timides. Et nous saurons combattre les héros. » Ayant ainsi parlé, le dieu rentra dans la mêlée des hommes, et Idoménéus regagna ses tentes et revêtit ses belles armes. Il saisit deux lances et accourut, semblable au feu fulgurant que le chronion de sa main précipite des cimes de l'Olympos enflammé, comme un signe rayonnant aux hommes vivants. Ainsi resplendissaient les reins sur la poitrine du roi qui accourait. Et Meriones, son brave compagnon, le rencontra non loin de la tente. Il venait chercher une lance d'airain. Et Idoménéus lui parla ainsi. « Meriones aux pieds rapides, fils de Molos, le plus cher de mes compagnons, pourquoi quittes-tu la guerre et le combat? Es-tu blessé et la pointe du trait te tourmente-t-elle? Viens-tu m'annoncer quelque chose? Certes, pour moi, je n'ai pas le dessein de rester dans mes tentes, mais je désire le combat. » Et le sage Meriones lui répondit, « Idoménéus, prince des Crétois cuirassés, je viens enfin de prendre une lance. Si dans tes tentes il en reste une, car j'ai rompu la mienne sur le bouclier de l'orgueilleux Déiphobos. » Et Idoménéus, prince des Crétois, lui répondit, « Si tu veux des lances, tu en trouveras une. Tu en trouveras 20, appuyées, étincelantes, contre les parois de ma tente. Ce sont des lances troyennes, enlevées à ceux que j'ai tués, car je combats de près les guerriers ennemis, et c'est pourquoi j'ai des lances, des boucliers bombés, des casques et des cuirasses éclatantes. » Et le sage Meriones lui répondit, « Dans ma tente et dans ma nef noire abondent aussi les dépouilles troyennes, mais elles sont trop éloignées. Je ne pense pas aussi avoir jamais oublié mon courage. Je combats au premier rang, parmi les guerriers illustres, à l'heure où la mêlée retentit. Quelques-uns des Achaïens cuirassés puissent ne m'avoir point vu, mais toi, tu me connais. » Idoménéus, prince des Crétois, lui répondit, « Je sais quel est ton courage. Pourquoi me parler ainsi ? Si nous étions choisis parmi les plus braves pour une embuscade, car c'est là que le courage des guerriers éclate, là on distingue le brave du lâche, car celui-ci change à tout instant de couleur, et son cœur n'est point assez ferme pour attendre tranquillement en place. Il remue sans cesse, tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, et son cœur tremble dans sa poitrine par crainte de la mort, et ses dents claquent. Tandis que le brave ne change point de couleur, et il ne redoute rien au premier rang des guerriers dans l'embuscade. Il souhaite l'ardent combat. Certes donc, aucun de nous ne blâmerait en cet instant ni ton courage, ni ton bras. Et si tu étais blessé alors, ce ne serait point à l'épaule ou dans le dos que tu serais frappé d'un trait, mais en pleine poitrine ou dans le ventre, tandis que tu te précipiterais dans la mêlée des combattants. Va, ne parlons plus. Inactifs comme des enfants, de peur que ceci nous soit reproché injurieusement. Va dans ma tente et prends une lance solide. » Il parla ainsi, et Meriones, semblable au rapide Arès, saisit promptement dans la tente une lance d'airain. Il marcha avec Idoménéus, plein du désir de combattre. Ainsi marche le désastreux Arès avec la terreur, sa fille bien-aimée, forte et indomptable, qui épouvante le plus brave. Ils descendent de la Tréquée vers les Épirotes ou les magnanimes phlégiens. Ils n'exaucent point les deux peuples à la fois, mais ils accordent la gloire à l'un ou à l'autre. Ainsi Meriones et Idoménéus, princes des hommes, marchaient armés de l'airain splendide. Et Meriones le premier parla ainsi. « Deucalide, de quel côté veux-tu entrer dans la mêlée ? À droite, au centre ou à gauche ? C'est là que les Achaïens chevelus faiblissent. » Et Idoménéus, prince des Crétois, lui répondit, « D'autres sont au centre, qui défendent les nefs. Les deux Aias et Teucros, le plus habile archer d'entre les Achaïens, et brave aussi de pied ferme. Ils suffiront à repousser le Priamide Hector. Quelque brave qu'il soit, et quelle que soit son ardeur à combattre, il ne réussira pas à dompter leur courage et leurs mains invincibles, et à brûler les nefs, à moins que le Cronion lui-même ne jette l'ardente foudre sur les nefs rapides. Jamais le grand Télamonien Aias ne le cédera à aucun homme né mortel et nourri des dons de Déméter, vulnérable par l'airain ou par de lourds rochers. Il ne reculerait même pas devant l'impétueux Achilleus, s'il ne peut cependant lutter contre lui en agilité. Allons vers la gauche de l'armée, et voyons promptement si nous remporterons une grande gloire ou si nous la donnerons à l'ennemi. » Il parla ainsi, et Meriones, semblable au rapide Arès, s'élança du côté où Idoménéus ordonnait d'aller. Et dès que les Troyens eurent vu Idoménéus, semblable à la flamme par son courage, avec son compagnon brillant sous ses armes, s'exhortant les uns les autres, ils se jetèrent sur lui. Et le combat fut égal entre eux tous devant les poupes des nefs. De même que les vents tempétueux, en un jour de sécheresse, soulèvent par les chemins de grands tourbillons de poussière, de même tous se ruèrent dans une mêlée furieuse, afin de s'entretuer de l'airain aigu. Et la multitude des guerriers se hérissa de longues lances qui perçaient la chair des combattants. Et la splendeur de l'airain, des casques étincelants, des cuirasses polies et des boucliers éblouissaient les yeux. Il eût été impitoyable celui qui, loin de s'attrister de ce combat, s'en fût réjoui. Et les deux fils puissants de Cronos, dans leur volonté contraire, accablaient ainsi les héros de lourdes calamités. Zeus voulait donner la victoire à Hector et aux Troyens, afin d'honorer Achilleus au pied rapide. Et il ne voulait pas détruire les tribus achaïennes devant Ilios, mais honorer Thétis et son fils magnanime. Et Posidaon, sorti en secret de la Blanche Mer, encourageait les Achaïens. Il gémissait de les voir domptés par les Troyens, et il s'irritait contre Zeus. Et tous deux avaient la même origine et le même père, mais Zeus était le plus âgé et savait plus de choses. Et c'est pourquoi Poséidaon ne secourait point ouvertement les Argiens, mais sous la forme d'un guerrier parcourait l'armée en les encourageant. Et tous deux avaient étendu également sur l'un et l'autre parti les chaînes du combat violent et de la guerre désastreuse, chaînes infrangibles, indissolubles, et qui rompaient les genoux d'un grand nombre de héros. Et Idoménéus, bien qu'à demi blanc de vieillesse, exhortait les Danaïns, bondit sur les Troyens, qu'il fit reculer. Il tua Othryonéus de Cabessos, qui, venu récemment, attiré par le bruit de la guerre, demandait Cassandrée, la plus belle des filles de Priamos. Il n'offrait point de présents, mais il avait promis de repousser les fils des Achaïens loin de Troie. Et le vieillard Priamos avait juré de lui donner sa fille, et sur cette promesse, il combattait bravement. Et comme il s'avançait avec fierté, Idoménéus le frappa de sa lance étincelante, et la cuirasse d'airain ne résista point au coup qui pénétra au milieu du ventre. Et il tomba avec bruit, et Idoménéus s'écria en l'insultant « Othryonéus, je te proclame le premier des hommes si tu tiens la parole donnée au Dardamite Priamos. Il t'a promis sa fille, et c'est nous qui accomplirons sa promesse. Et nous te donnerons la plus belle des filles d'Agamemnon, venue d'Argos pour t'épouser, si tu veux avec nous détruire la ville bien peuplée d'Ilios. Mais suis-nous dans les nefs qui traversent la mer, afin de convenir de tes noces, car nous aussi, nous sommes d'excellents beaux-pères. » Et le héros Idoménéus parla ainsi, et il le traînait par un pied à travers la mêlée. Et pour venger Othryonéus, Asios courut à pied devant son char, et ses chevaux, retenus par leur conducteur, soufflaient sur ses épaules. Il désirait percer Idoménéus, mais celui-ci l'atteignit le premier de sa lance dans la gorge, sous le menton. Et la lance passa au travers du cou, et Asios tomba comme un chêne, ou comme un peuplier, ou comme un pin élevé que des constructeurs de nefs sur les montagnes coupent de leurs haches récemment aiguisées. Ainsi le guerrier gisait étendu devant ses chevaux et son char, grinçant des dents et saisissant la poussière sanglante. Et le conducteur éperdu ne songeait pas à éviter l'ennemi en faisant retourner les chevaux. Et le brave Antilochos le frappa de sa lance, et la cuirasse d'airain ne résista pas au coup qui pénétra au milieu du ventre. Et l'homme tomba, expirant du char habilement fait. Et le fils du magnanime Nestor, Antilochos, entraîna les chevaux du côté des Achaïens, Zobel Cnémide. Et Déiphobos, triste de la mort d'Asios, s'approchant d'Idoménéus, lui lança sa pique étincelante. Mais Idoménéus, l'ayant aperçu, évita la pique d'airain en se couvrant de son bouclier d'une rondeur égale, fait de peau de bœuf, et d'airain brillant, et qu'il portait à l'aide de deux manches. Il en était entièrement couvert, et l'airain vola par-dessus, effleurant le bouclier qui résonna. Mais la lance ne s'échappa point en vain d'une main vigoureuse, et frappant Hypsénor Hypaside, prince des peuples, elle s'enfonça dans son foie et rompit ses genoux. Et Diophobos cria en se glorifiant, « Asios ne mourra pas non vengé, et en allant aux portes solides d'Aïdès, il se réjouira dans son brave cœur, car je lui ai donné un compagnon. » Il parla ainsi, et ses paroles orgueilleuses emplirent les Argiens de douleur, et surtout le brave Antilochos. Mais bien qu'attristé, il n'oublia point son compagnon, et, courant tout autour, il le couvrit de son bouclier. Et deux autres compagnons bien-aimés de Hypsénor, Mycisteus et le divin Alastor, l'emportèrent en gémissant dans les nefs creuses. Et Idoménéus ne laissait point reposer son courage. Il désirait toujours envelopper quelques Troyens de la nuit noire, ou tomber lui-même en sauvant les Achaïens de leurs ruines. Alors périt le fils bien-aimé d'Aïsiétas, nourri par Zeus, le héros Alcatoos, gendre d'Anchisès. Il avait épousé Hippodamia, l'aînée des filles d'Anchisès, très chère dans la demeure à son père et à sa mère vénérable. Et elle l'emportait sur toutes ses compagnes par la beauté, l'habileté aux travaux et la prudence. Et c'est pourquoi un grand chef l'avait épousée dans la large Troie. Et Posidon dompta Alcatoos par les mains d'Idoménéus. Il éteignit ses yeux étincelants et il enchaîna ses beaux membres, de façon à ce qu'il ne pût ni fuir ni se détourner, mais que, tout droit comme une colonne ou un arbre élevé, il reçut au milieu de la poitrine la lance du héros Idoménéus, et sa cuirasse d'airain, qui éloignait de lui la mort, résonna, rompue par la lance. Et sa chute retentit, et la pointe d'airain dans son cœur qui palpitait remua jusqu'à ce que le rude Arès eût épuisé la force de la lance. Et Idoménéus cria d'une voix terrible en se glorifiant, « Déiphobos, je pense que les choses sont au moins égales. en voici trois de tués pour un, et tu te vantais en vain. Malheureux, ose m'attendre, et tu verras ce que vaut la race de Zeus. Zeus engendra Minos, gardien de la Crétée, et Minos engendra un fils, l'irréprochable de Calion. Et de Calion m'engendra, pour être le chef de nombreux guerriers dans la grande Crétée. Et mes nefs m'ont amené ici, pour ton malheur, celui de ton père et celui des Troyens. » Il parla ainsi, et Déiphobos délibéra s'il irait chercher pour soutien quelque autre des Troyens magnanimes ou s'il combattrait seul. Il vit qu'il valait mieux aller vers Aïnéas. Et il le trouva debout au dernier rang, car il était irrité contre le divin Priamos qui ne l'honorait pas. Bien qu'il fût brave, entre tous les guerriers, et Déiphobos s'approchant, lui dit en paroles ailées, « Aïnéas, prince des Troyens, si la gloire te touche, viens protéger ton beau-frère. Suis-moi, allons vers Alcatoos, qui, époux de ta sœur, a autrefois nourri ton enfance dans ses demeures. Idoménéus illustre par sa lance la tuée. » Il parla ainsi, et le cœur d'Aïnéas fut ébranlé dans sa poitrine. Il marcha pour combattre Idoménéus, mais celui-ci ne fut point saisi par la peur comme un enfant, et il attendit, de même qu'un sanglier des montagnes, certain de sa force, attend, dans un lieu désert, le tumulte des chasseurs qui s'approchent. Son dos se hérisse, ses yeux lancent du feu, il aiguise ses défenses pour repousser aussitôt les chiens et les chasseurs. De même, Idoménéus, illustre par sa lance, ne recula point devant Aïnéas qui accourait au combat. Et il appela ses compagnons Ascalaphos, Aphareos, Déipyros, Meriones et Antilochos. Il leur dit, en paroles ailées, « Accourez, amis, car je suis seul, et je crains Aïnéas au pied rapide qui vient sur moi. Il est très brave, et c'est un tueur d'hommes. Il est dans la fleur de la jeunesse, à l'âge où la force est la plus grande. Si nous étions du même âge, avec mon courage, une grande gloire nous serait donnée à lui ou à moi. » Il parla ainsi, et tous, avec une même ardeur, ils l'entourèrent, le bouclier sur l'épaule. Et Aïnéas, de son côté, appela aussi ses compagnons, Déiphobos, Paris et le divin Agénor, comme lui prince des Troyens. Et leurs troupes les suivaient, tels que des troupeaux de brebis qui suivent le bélier hors du pâturage, pour aller boire. Et le berger se réjouit dans son âme. De même, le cœur d'Aïnéas fut joyeux dans sa poitrine en voyant la foule des guerriers qui le suivaient. Et autour d'Alcatoos, tous dardèrent leurs longues lances. Et sur les poitrines, l'horrible airain retentissait, tandis qu'ils se frappaient à l'envi. Et de braves guerriers, Aïnéas et Idoménéus, semblables à Arès, désiraient surtout se percer de l'airain cruel. Aïnéas, le premier, lança sa pique contre Idoménéus. Mais celui-ci, l'ayant aperçu, évita la pique d'airain qui s'enfonça en vibrant dans la terre, inutile, bien que partie d'une main vigoureuse. Et Idoménéus frappa Oinomaios au milieu du ventre, et la cuirasse fut rompue, et l'airain s'enfonça dans les intestins, et le guerrier tomba en saisissant la terre avec les mains. Et Idoménéus arracha la lance du cadavre, mais il ne put dépouiller les épaules de leurs belles armes, car il était accablé par les traits. Il n'avait plus les pieds vigoureux avec lesquels il s'élançait autrefois pour reprendre sa pique ou pour éviter celle de l'ennemi. Il éloignait encore de pied ferme son jour fatal, mais il ne pouvait plus fuir aisément. Et Déiphobos, comme il se retirait lentement, toujours irrité contre lui, voulut le frapper de sa lance étincelante. Mais il le manqua, et la lance perça Ascalaphos, fils de Arès. Et la forte lance s'enfonça dans l'épaule, et le guerrier tomba, saisissant la terre avec ses mains. Et le terrible Arès, plein de clameurs, ignorait que son fils fût tombé mort dans la mêlée violente. Il était assis au sommet de l'Olympos, sous les nuées d'or, retenu par la volonté de Zeus, ainsi que les autres dieux immortels, loin du combat. Et tous se ruèrent autour d'Ascalaphos. Et comme Déiphobos enlevait son casque brillant, Meriones, semblable au rapide Arès, bondit et de sa lance perça le bras du Troyen qui laissa échapper le casque sonore. Et Meriones bondit de nouveau comme un vautour et arracha du bras blessé sa forte lance et rentra dans les rangs de ses compagnons. Hippolytès, frère de Déiphobos, entourant celui-ci de ses bras, l'entraîna hors de la mêlée, derrière les rangs où se tenaient ses chevaux rapides, et le char éclatant et leur conducteur. et le portèrent dans la ville, poussant des gémissements. Et le sang coulait de sa blessure fraîche, et les autres combattaient toujours, et une immense clameur s'élevait. Aïnéas, se ruant sur Aphareos Caléotoride, le frappa à la gorge de sa lance aiguë, et la tête s'inclina, et le bouclier tomba, et le casque aussi, et la mort fatale l'enveloppa. Et Antilochos, apercevant le dos de Thoon, le frappa impétueusement, et il trancha la veine qui, courant le long du dos, arrive au cou. Le Troyen tomba à la renverse sur la poussière, étendant les deux mains vers ses compagnons bien-aimés. Et Antilochos accourut, et, regardant autour de lui, enleva ses belles armes de ses épaules. Et les Troyens, l'entourant aussitôt, accablaient de traits son beau et large bouclier. Mais ils ne purent déchirer avec les reins cruels le corps délicat d'Antilochos, car Poséidaon, qui ébranle la terre, protégeait le Nestoride contre la multitude des traits. Et celui-ci ne s'éloignait point de l'ennemi, mais il tournait sur lui-même, agitant sans cesse sa lance et cherchant qui il pourrait frapper de loin ou de près. Et Adamas Asiad, l'ayant aperçu dans la mêlée, le frappa de l'airain aigu au milieu du bouclier. Mais Poséidaon, aux cheveux bleus, refusa aux Troyens la vie d'Antilochos, et la moitié du trait resta dans le bouclier comme un pieu à demi brûlé, et l'autre tomba sur la terre. Et comme Adamas fuyait la mort dans les rangs de ses compagnons, Mériones, le poursuivant, le perça entre les parties mâles et le nombril, là où une plaie est mortelle pour les hommes lamentables. C'est là qu'il enfonça sa lance, et Adamas tomba, palpitant sous le coup, comme un taureau dompté par la force des liens que des bouviers ont menés sur les montagnes. Ainsi Adamas, blessé, palpita, mais peu de temps, car le héros Mériones arracha la lance de la plaie et les ténèbres se répandirent sur les yeux du Troyen. Et Hélénos, de sa grande épée de tréquée, frappa Déipyros à la tempe, et le casque roula sur la terre, et un des Achaïens le ramassa sous les pieds des combattants. Et la nuit noire couvrit les yeux de Déipyros. Et la douleur saisit le brave Atréide Ménélaos qui s'avança contre le prince Hélénos en lançant sa longue pique. Et le Troyen bandait son arc. Et tous deux dardèrent à la fois, l'un sa lance aiguë, l'autre la flèche jaillissant du nerf. Et le Priamide lança de sa flèche la cuirasse bombée, et le trait acerbe y rebondit. De même que dans l'air spacieuse, les fèves noires ou les pois, au souffle du vent et sous l'effort du vanneur, rejaillissent du large vent, de même la flèche acerbe rebondit loin de la cuirasse de l'illustre Ménélaos. Et le brave Atréide frappa la main qui tenait l'arc poli, et la lance aiguë attacha la main à l'arc. Et Hélénos rentra dans la foule de ses compagnons, évitant la mort et traînant le frêne de la lance suspendue à sa main. Et le magnanime Agénor arracha le trait de la blessure qui l'entoura d'une fronde en laine qu'un serviteur tenait à son côté. Et Peisandros marcha contre l'illustre Ménélaos, et la moire fatale le conduisit au seuil de la mort pour qu'il fût dompté par toi, Ménélaos, dans le rude combat. Quand ils se furent rencontrés, l'Atréide le manqua, et Peisandros frappa le bouclier de l'illustre Ménélaos. Mais il ne put traverser les reins, et le large bouclier repoussa la pique dont la pointe se rompit. Et Peisandros se réjouissait dans son esprit, espérant la victoire, et l'illustre Atréide, ayant tiré l'épée au clou d'argent, sauta sur lui. Mais le Troyen saisit sous le bouclier la belle hache à deux tranchants, au manche d'olivier, faite d'un airain excellent, et ils combattirent. Peisandros frappa le cône du casque au sommet, près de la crinière, et lui-même fut atteint au front, au-dessus du nez. Et ses os crièrent, et ses yeux ensanglantés jaillirent à ses pieds, dans la poussière. Il se renversa, et tomba, et Ménélaos, lui mettant le pied sur la poitrine, lui arracha ses armes, et dit, en se glorifiant, « Vous laisserez ainsi les nefs des cavaliers d'Anaïn, ô parjure, insatiable de la rude bataille. Vous ne m'avez épargné ni un outrage, ni un opprobre, mauvais chien, qui n'avait pas redouté la colère terrible de Zeus hospitalier, qui tonne fortement, et qui détruira votre haute citadelle. » Car vous êtes venus sans cause, après avoir été reçus en amis, m'enlever, avec toutes mes richesses, la femme que j'avais épousée vierge. Et maintenant, Voici que vous tentez de jeter la flamme désastreuse sur vos nefs qui traversent la mer et de tuer les héros achaïens. Mais vous serez réprimés, bien que remplis de fureur guerrière. Ô Père Zeus, on dit que tu surpasses en sagesse tous les hommes et tous les dieux, et c'est de toi que viennent ces choses. N'es-tu pas favorable aux Troyens par jure, dont l'esprit est impie, et qui ne peuvent être rassasiés par la guerre désastreuse? Certes, la satiété nous vient de tout, du sommeil, de l'amour, du chant et de la danse charmante, qui, cependant, nous plaisent plus que la guerre. Mais les Troyens sont insatiables de combat. » Ayant ainsi parlé, l'irréprochable Ménélaos arracha les armes sanglantes du cadavre et les remit à ses compagnons. Et il se mêla de nouveau à ceux qui combattaient en avant. Et le fils du roi Pélyménéus, Harpalion, se jeta sur lui. Il avait suivi son père bien-aimé à la guerre de Troie. Il ne devait point retourner dans la terre de la patrie. De sa pique, il frappa le milieu du bouclier de l'Atréide. Mais l'airain ne put le traverser, et Harpalion, évitant la mort, se réfugia dans la foule de ses compagnons, regardant de tous côtés pour ne pas être frappé de l'airain. Et, comme il fuyait, Mériones lui lança une flèche d'airain, et il le perça à la cuisse droite, et la flèche pénétra sous l'os, jusque dans la vessie. Et il tomba entre les bras de ses chers compagnons, rendant l'âme. Il gisait comme un ver sur la terre, et son sang noir coulait, baignant la terre. Et les magnanimes Paphlagones, s'empressant et gémissant, le déposèrent sur son char pour être conduit à la Sainte Ilios. Et son père, répandant des larmes, allait avec eux, nul n'ayant vengé son fils mort. Et Paris, irrité dans son âme de cette mort, car Harpalion était son hôte entre les nombreux Paphlagones, lança une flèche d'airain. Il y avait un guerrier achaïen, Eukénor, fils du divinateur Polyidos, riche et brave, et habitant Corinthos. Il était monté sur sa nef, subissant sa destinée, car le bon Polyidos lui avait dit souvent qu'il mourait dans ses demeures d'un mal cruel, ou que les Troyens le tueraient parmi les nefs des Achaïens. Il avait voulu éviter à la fois la lourde amende des Achaïens et la maladie cruelle qui l'aurait accablé de douleur. Mais Paris le perça au-dessous de l'oreille, et l'âme s'envola de ses membres, et une terrible nuée l'enveloppa. Tandis qu'ils combattaient, pareils au feu ardent, Hector, cher à Zeus, ignorait qu'à la gauche des nefs, ses peuples étaient défaits par les Argiens, tandis que celui qui ébranle la terre animait les Danaïens et les pénétrait de sa force. Et le Priamite se tenait là où il avait franchi les portes, et où il enfonçait les épaisses lignes des Danaïens, porteurs de boucliers. Là, les nefs d'Aïas et de Protésilaos avaient été tirées sur le rivage de la Blanche Mer, et le mur y était peu élevé. Là aussi étaient les plus furieux combattants, et les chevaux, les Boïotiens, les Iaones aux longs vêtements, les Locriens, les Phtiotes, et les illustres Épéiens qui soutenaient l'assaut autour des nefs et ne pouvaient repousser le divin Hector semblable à la flamme. Et là étaient aussi les braves Athénaïens que conduisait Ménestheus, fils de Pétéos, suivi de Phéidas, de Stychios et du grand Bias. Et les chefs des Épéiens étaient Mégès Phileïde, Amphion et Drachios. Et les chefs des Phtiotes étaient Médon et l'agile Méneptolémos. Médon était fils bâtard du divin Oïloos et frère d'Aïas. Et il habitait Philaké, loin de la terre de la patrie, ayant tué le frère de sa belle-mère Eriopis. Et Méneptolémos était fils d'Hippiclos, Philakide. Ils combattaient tous deux en tête des Phtiotes magnanimes, parmi les Boïotiens, pour défendre les nefs. Et Aïas, le fils agile d'Oïléus, se tenait toujours auprès d'Aïas Télamonien, comme deux bœufs noirs traînent ensemble d'un souffle égal une lourde charrue dans une terre nouvelle, tandis que la sueur coule de la racine de leurs cornes et que, liés à distance aux mêmes joues, ils vont dans le sillon, ouvrant du soc la terre profonde. De même, les deux Aïas allaient ensemble. Mais de nombreux et braves guerriers suivaient le Télamoniade et portaient son bouclier quand la fatigue et la sueur rompaient ses genoux. Et les Locriens ne suivaient pas le magnanime Oïléade, car il ne leur plaisait pas de combattre en ligne. Ils n'avaient ni casque d'airain hérissé de crins de cheval, ni bouclier bombé, ni lance de frêne. Ils étaient venus devant Troie avec des arcs et des frondes de laine, et ils en accablaient et en rompaient sans cesse les phalanges troyennes. Et les premiers combattaient, couverts de leurs belles armes, contre les Troyens et Hector armés d'airain, et les autres, cachés derrière ceux-là, lançaient sans cesse des flèches innombrables. Alors les Troyens se fussent enfuis misérablement, loin des tentes et des nefs, vers la sainte Ilios. Si Polydamas n'eût dit au brave Hector, « Hector, il est impossible que tu écoutes un conseil. Parce qu'un dieu t'a donné d'exceller dans la guerre, tu veux aussi l'emporter par la sagesse. Mais tu ne peux tout posséder. Les dieux accordent aux uns le courage, aux autres l'art de la danse, aux autres la guitare et le chant. Le prévoyant Zeus mit un esprit sage en celui-ci, et les hommes en profitent. Il sauvegarde les cités. Il recueille pour lui-même le fruit de sa prudence. La couronne de la guerre éclate de toutes parts autour de toi, et les Troyens magnanimes qui ont franchi la muraille fuient avec leurs armes, ou combattent en petit nombre contre beaucoup, dispersés autour des nefs. Retourne, et appelle ici tous les chefs, afin que nous délibérions en conseil si nous devons nous ruer sur les nefs, en espérant qu'un dieu nous accorde la victoire, ou s'il nous faut reculer avant d'être entamés. Je crains que les Achaïens ne vengent leur défaite d'hier, car il y a dans les nefs un homme insatiable de guerre qui, je pense, ne s'abstiendra pas longtemps de combat. » Polydamas parla ainsi, et son conseil prudent persuada Hector. Il sauta de son char à terre avec ses armes, et il dit en paroles ailées, « Polydamas, retiens ici tous les chefs. Moi, j'irai au milieu du combat, et je reviendrai bientôt, les ayant convoqués. » Il parla ainsi et se précipita, pareil à une montagne neigeuse, parmi les Troyens et les alliés, avec de hautes clameurs. Et, ayant entendu la voix de Hector, ils accouraient tous auprès du Pantoïde Polydamas. Et le Priamide, Hector, allait, cherchant parmi les combattants Déiphobos et le roi Hélénos, et l'Asiade Adamas, et le Hyrtakide Asios. Et il les trouva tous, ou blessés, ou morts, autour des nefs et des poupes des Achaïens, ayant rendu l'âme sous les mains des Argiens. Et il vit, à la gauche de cette bataille meurtrière, le divin Alexandros, l'époux de Hélénée, à la belle chevelure, animant ses compagnons au combat, et, s'arrêtant devant lui, il lui dit ces paroles outrageantes. « Misérable Paris, doué d'une grande beauté, séducteur de femmes, où sont Déiphobos, le roi Hélénos, et l'Asiade Adamas, et le Hyrtakide Asios, où est Othryoneos? Aujourd'hui la sainte Ilios croule de son fait, et tu as évité seul cette ruine terrible. » Et le divin Alexandros lui répondit, « Hector, tu te plais à m'accuser quand je ne suis point coupable. Parfois, je me suis retiré du combat, mais ma mère ne m'a point enfanté lâche. Depuis que tu as excité la lutte de nos compagnons auprès des nefs, nous avons combattu sans cesse les Danaïens. Ceux que tu demandes sont morts. Seuls Déiphobos et le roi Hélénos ont été tous deux blessés à la main par de longues lances. Mais le Cronion leur a épargné la mort. Conduis-nous donc où ton cœur et ton esprit t'ordonnent d'aller, et nous serons prompts à te suivre. Et je ne pense pas que nous cessions le combat tant que nos forces le permettront. Il n'est permis à personne de combattre au-delà de ses forces. » Ayant ainsi parlé, le héros fléchit l'âme de son frère, et ils coururent là où la mêlée était la plus furieuse. Là où était Chébriones, et l'irréprochable Polydamas, Phacès, Ortaïos, le divin Polyphoïtès, et Palmis, et Ascanios, et Moros, fils de Hippotion. Et ceux-ci avaient succédé depuis la veille aux autres guerriers de la fertile Ascanie, et déjà Zeus les poussait au combat. Et tous allaient, semblables aux tourbillons de vent que le père Zeus envoie avec le tonnerre par les campagnes, et dont le bruit se mêle au retentissement des grandes eaux bouillonnantes et soulevées de la mer, aux rumeurs sans nombre, qui se gonflent, blanches d'écume, et roulent les unes sur les autres. Ainsi les Troyens se succédaient derrière le chef, éclatant d'airain, et le Priamide Hector les menait, semblables au terrible Arès, et il portait devant lui son bouclier égal fait de peaux épaisses recouvertes d'airain, et autour de ses tempes resplendissait son casque mouvant, et sous son bouclier, il marchait contre les phalanges, cherchant à les enfoncer de tous côtés. Mais il n'ébranla point l'âme des Achaïens dans leur poitrine, et Aias le premier s'avança en le provoquant. « Viens, malheureux, pourquoi tentes-tu d'effrayer les Argiens? Nous ne sommes pas inhabiles au combat, c'est le fouet fatal de Zeus qui nous éprouve. Tu espères sans doute dans ton esprit détruire nos nefs, mais nos mains te repousseront, et bientôt ta ville bien peuplée sera prise et renversée par nous. Et je te le dis, le temps viendra où, fuyant, tu supplieras le père Zeus et les autres immortels pour que tes chevaux soient plus rapides que l'épervier, tandis qu'ils t'emporteront vers la ville à travers la poussière de la plaine. » Et, comme il parlait ainsi, un aigle vola à sa droite, dans les hauteurs, et les Achaïens se réjouirent de cet augure. Et l'illustre Hector lui répondit : « Aias, orgueilleux et insensé, qu'as-tu dit ? Plutôt Dieu que je fusse le fils de Zeus tempétueux, et que la vénérable Érée m'eût enfanté, aussi vrai que ce jour sera fatal aux Argiens, et que tu tomberas toi-même, si tu oses attendre ma longue lance qui déchirera ton corps délicat, et que tu rassasiras les chiens d'Hélios et les oiseaux carnassiers de ta graisse et de ta chair auprès des nefs des Achaïens. » Ayant ainsi parlé, il se rua en avant, et ses compagnons le suivirent avec une immense clameur que l'armée répéta par derrière. Et les Argiens, se souvenant de leur vigueur, répondirent par d'autres cris, et la clameur des deux peuples monta jusque dans les terres parmi les splendeurs de Zeus.